va parler au gars à qui je pense que moi, c'est mon premier choix pour faire le play-by-play si un jour les expos reviennent à la radio. François Paquette. François Paquette qui a annoncé récemment qu'il quittait les Capitales de Québec après une association de 17 ans. C'est pas mal. Et on l'a souvent identifié comme un élève de Jacques Doucet. Et question de savoir un peu comment ça se fait qu'il a décidé de laisser le micro des Capitales. On lui parle. Salut François. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, oui, effectivement, tu es 17 ans avec les Capitales de Québec. On aimerait savoir les raisons qui ont fait en sorte que tu quittes le micro des Capitales. Ben, disons que la raison, il y a plusieurs petites raisons, mais la raison principale, c'est vraiment une question de temps. Parce que l'an passé, j'avais dû rater quand même pas loin d'une vingtaine de matchs avec mes engagements à TVA Sports. Puis comme les gens le savent, notre collègue Derek Aucoin est malade, il a un cancer du cerveau, donc on s'est retrouvé un peu à court de personnel. Donc là, cette année, je me retrouvais avec une cinquantaine de matchs à TVA, donc j'aurais peut-être raté, écoute, 20-25 matchs à ma maison des Capitales, ce qui faisait pas beaucoup de sens, là, quand c'est le descripteur principal. Alors, il fallait que je prenne une décision, puis il faut avouer aussi que le fait que tu sais, les Capitales changent de ligue, je pense qu'on était dû peut-être justement pour une nouvelle voie, pour que les Capitales partent dans une nouvelle direction au niveau radio et web diffusion. Puis moi, ben, j'étais rendu là aussi dans ma carrière, donc ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais c'est surtout mes engagements avec TVA Sports qui font en sorte que j'ai décidé de quitter les Capitales. Les Capitales, c'est quand même une belle réussite à Québec. Je parlais de ton meilleur souvenir au micro des Capitales, c'est sûrement avec lors des conquêtes des championnats des Capitales. Alors, ben écoute, il y en a toujours deux ou trois qui me viennent en tête. C'est sûr que quand on parle de conquête, ouais, Éric Gagné, la conquête, la première conquête, 2006, c'était sur la route. Ça, c'est à l'époque où, évidemment, il n'y a pas encore de web diffusion. On était à l'antenne de CHRC. Donc, on diffusait tous les matchs à l'étranger, à la maison, peu importe l'heure. On avait vraiment, vraiment beaucoup de gens qui nous suivaient. On était à Brockton en 2006. Les Capitales n'avaient jamais gagné de championnat. Et là, on attendait pour le match numéro 5, le dernier match de la finale. Et j'étais avec Jacques Doucet sur la route, sauf que Jacques partait pour un voyage en France. Ouais. Et comme le dernier match avait été repoussé 3 jours, Jacques avait dû revenir à Montréal pour aller prendre son vol et j'avais fait le match numéro 5 à Brockton, un match que les Capitales avaient gagné 5-4 pour le premier championnat de l'histoire. Puis ça avait vraiment, vraiment été particulier parce que, tu sais, je peux pas te dire, cette journée-là, il y avait 15, 20 000 personnes qui écoutaient, on le saura jamais, mais tous les gens qui aimaient les Capitales, qui aimaient le baseball avaient écouté ce match-là, puis on avait eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir, puis ça avait été un des meilleurs matchs de l'histoire des Capitales, donc certainement un de mes beaux souvenirs. Puis comme tu as mentionné, Éric Gagné, que ce soit son premier départ à Québec dans un stade municipal qui était bondé, ou son dernier départ dans la finale, la série finale, où il avait été très émotif, c'est certainement partie de mes très beaux souvenirs. Les Capitales de Québec, écoute, là, tu as parlé de 2005, si on se rappelle bien, en 2005, il y avait quand même... le deuil des expos, les gens étaient un peu blasés du baseball. Quoique, heureusement que les Capitales ont été là pour un peu tenir le fort pendant ce temps-là. Carrément, ça a été une porte de sortie, je pense, pour bien des gens. Puis moi, le premier, là, je veux dire, moi, je suis un maniaque des expos. J'en ai pleuré un coup quand ils sont partis en 2004. Ça m'a déchiré le cœur parce que même comme amateur, mais comme jeune descripteur, ça faisait partie, tu sais, de mes rêves. Puis là, quand les expos sont partis, tu dis, bon, ce sera plus pareil. Mais les Capitales ont réussi à prendre une place, je pense, dans le cœur des amateurs parce que, évidemment, c'est pas le baseball majeur, puis ça, tout le monde comprend ça, mais le stade municipal a beaucoup de similitudes avec le parc Jarry. Les gens qui ont connu le baseball au parc Jarry, plus proche des joueurs, plus proche des amateurs, c'est au cœur de l'action. Je pense que déjà là, les gens ont comme retrouvé un peu l'amour du baseball, puis petit à petit, la Ligue Can-Am a fait sa place à Trois-Rivières, puis bon, il y a eu des bouts à Ottawa, puis on a eu des équipes un petit peu partout, puis les Capitales, à une certaine époque, surtout début des années 2000, avaient une tonne de Québécois dans leur formation aussi, donc les gens pouvaient s'attacher à ces joueurs-là, puis ça fait en sorte que, même si aujourd'hui on parle d'un possible retour des expos dans quelques années, je pense pas que ça nuirait aux Capitales pour autant, bien au contraire, parce que le baseball est bien en santé au Québec présent. Ben effectivement. Hey, je fais une parenthèse. Tu parles de Québécois, tu parles de Capitales, après ça, on va revenir dans notre vie. Jason Therrien, Ça fait longtemps que je dis que ce gars-là, il n'y a pas de contrat actuellement. Je pense que les Capitals seraient une avenue, parce que des Jason Terrien au Québec, on le connaît bien, mais des Jason Terrien dans le baseball mineur, il y en a une quantité industrielle. Puis je pense que pour revenir dans le baseball affilié après son opération Tommy John, je pense que les Capitals, ça pourrait être un bon passage. T'es-tu d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que les équipes du baseball majeur et indépendant ont encore de l'espoir de voir que Jason Terrien va lancer dans les majeurs. On se rappelle, il avait lancé un petit peu avec les Phillies, il a eu son opération Tommy John, et ensuite, il a signé un contrat des Ligues mineures avec les Dodgers. Ouais. C'était comme une espèce de contrat pour dire, tu sais, puis on voit ça de temps en temps, des équipes qui sont prêtes à signer un contrat avec un joueur en sachant très bien qu'il ne lancera pas pendant 12 à 18 mois en raison de son opération, mais qu'on a confiance par la suite que ce jeune homme-là a tellement de talent ou un bras de qualité qui va percer. Donc, je pense qu'il fait encore partie des plans de certaines équipes du baseball majeur. Puis, je me rappelle, il y a quelques années, j'en avais parlé à Patrick Scalabrini. Puis, Scalabrini disait, c'est pas un gars qu'on va voir dans la Ligue canadienne, il est trop bon. Là, même quand il a lancé avec les Phillies, on voyait qu'il était à sa place déjà dans le baseball majeur. Tant mieux si un jour, on a la chance de le voir. Mais je pense qu'en santé, Jason Terrien doit être au moins dans le 2A ou dans le 3A pour se donner une autre chance, parce que ce gars-là a vraiment un bras de qualité pour pouvoir aider une équipe de baseball majeure lorsqu'il est en santé. OK. François, tu as parlé tantôt que la nouvelle ligue, les Capitales de Québec, la Ligue Frontier. Moi, j'en ai parlé souvent avec Michel Laplante. Moi, je dis que c'était un passage obligé. Et là, ça va donner beaucoup plus de notoriété aux Capitales de Québec. Es-tu d'accord avec moi? Michel me dit que les villes, on les connaît pas. Mais par contre, c'est tout près des grands centres, des grandes villes. Donc, je pense que quelque part, ça, c'est intéressant. Puis, si tu veux avoir un contrat de TV, ben, c'est pas mal plus intéressant aussi. Oui, puis je pense que tu l'as dit, un passage obligé, parce que la Ligue Can-Am était quand même intéressante, mais c'était une ligue qui était excessivement fragile. Parce que, 5 équipes, c'est non, pas... Non, tu dis quoi? Ottawa était, à un moment donné, pendant 2 ou 3 ans, à Ottawa, on savait pas trop, à chaque année, s'il revenait. Rockland a souvent parlé dans la ligue, d'aller dans la Ligue Atlantique, qui est une ligue indépendante plus forte, mais qui a un calendrier de pas loin de 140 matchs, ce qui est beaucoup trop pour des équipes comme Québec ou Trois-Rivières. La seule chose avec la Ligue Frontier, puis c'est ce que j'ai hâte de voir, c'est que la réglementation est différente pour les joueurs. C'est-à-dire que tu te dois d'avoir un petit peu plus de recrues dans ta formation, mais les règlements sont un peu différents sur le statut de recrue. C'est une ligue qui est plus populaire auprès des jeunes joueurs, parce que la Ligue Frontier, comme tu mentionnais, on est près des grands centres. Il y a beaucoup plus de dépisteurs, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont intéressés à aller jouer là en se disant « je vais avoir de la visibilité ». Donc, je pense que les amateurs vont être agréablement surpris de voir de nouvelles équipes, des nouveaux joueurs. C'est certain qu'il y aura un ajustement à faire, parce que tu sais, on connaît pas les joueurs, on connaît pas les grandes vedettes de la ligue. Puis même chez les Capitales, il y a un vent de changement, parce que la dernière saison a été difficile, mais avec l'arrivée de David Lowe, de Charles Lacroix, de quelques autres Québécois et quelques autres bons joueurs, je pense que les amateurs vont être ravis, mais il va quand même y avoir certainement une période d'ajustement, parce que dans une ligue à 14 équipes, là, ça va être très différent de ce qu'on a vécu dans les dernières années dans la Ligue 4. Est-ce que les vétérans, puis ça, j'en ai parlé souvent avec Michel, des vétérans des ligues majeures qui n'ont plus de contrat, ça pourrait être une avenue intéressante pour les faire connaître. Je pense un gars, je vais te lancer un nom comme ça, José Bautista, on a appris qu'il allait lancer là, pour dans une ligue républicaine, pour la République dominicaine, il veut être à la Coupe du Monde. Un gars que ça fait longtemps de même, est-ce que ça pourrait être une espèce de ligue canadienne, cette ligue de football, là, pour faire connaître un peu et avoir quelques gros noms dans cette ligue-là qui ont joué, que les gens se rappellent d'eux? Ben, c'est pas impossible, mais faut admettre une chose, c'est que les anciens des ligues majeures, puis surtout les gros noms, habituellement vont passer par la Ligue Atlantique. Tu sais, okay. Je te parlais tantôt de la Ligue Atlantique, c'est que eux, en ayant beaucoup plus de matchs, et ils ont des budgets quand même très, très, très élevés. Dans les dernières années, là, l'équipe que les gens peut-être connaissent le plus, ce sont les Ducks de Long Island. Puis à un moment donné, dans la formation des Ducks, sur 25 joueurs, il y en avait une douzaine qui avaient déjà joué dans le baseball majeur. C'est assez impressionnant comme statistique. C'est moins le cas un peu dans la Ligue Frontier, parce que c'est une ligue beaucoup plus jeune. Mais comme tu as le droit à quelques vétérans, comme c'était le cas dans la Ligue Can-Am, c'est pas impossible à un moment donné que tu puisses signer justement un ancien des ligues majeures, ou peut-être un gars qui est en réhabilitation, qui veut relancer sa carrière. Ça peut arriver, mais disons que la Ligue Atlantique est un petit peu plus propice pour ces joueurs-là. Puis, tu sais, c'est sûr que, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ou 3 ans, les Capitales avaient fait la farce au un poisson d'avril en disant que José Bautista signé avec les Capitales, puis je sais que les gens avaient cru pendant un instant que c'était vrai, mais c'était exactement l'exemple que de temps en temps, tu essaies un coup de marketing qui peut fonctionner aussi sur le terrain. Les Capitales avaient essayé il y a 2 ou 3 ans Josh Vetters, qui avait été un choix de première ronde, 3e au total des Cubs de Chicago. Ça avait fait beaucoup de publicité, beaucoup de battage médiatique, mais les résultats avaient été décevants sur le terrain. Donc, c'est toujours la question de savoir, tu sais, quand t'engages un gars d'expérience, est-ce qu'il y en a encore dans le corps ou est-ce qu'il est au bout du rouleau? Mais c'est certain que ça peut arriver, mais les chances sont plus minces que si tu évolues dans la Ligue Atlantique. Comment tu vois l'avenir des ligues indépendantes? Est-ce que tu penses que ça pourrait être regroupé à un moment donné, toutes les ligues en même temps, ou tu pourrais voir le gagnant de la Ligue Frontier contre le gagnant de la Ligue Atlantique? Comment tu vois ça? Ben, moi, je pense que ce qui s'est passé dans les derniers mois avec CANAM et Ligue Frontier, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ouais. Mais je serais très surpris que, tu sais, parce qu'on va prendre les 3 ligues majeures, là, c'est la Ligue Frontier, la Ligue Atlantique et l'Association américaine. Les Capitales ont déjà fait des matchs avec l'Association américaine. Il y a un club à Winnipeg, il y a des clubs dans l'Ouest. Ça se ressemblait énormément au niveau du calibre. Mais comme la Ligue Atlantique, elle n'a pas de règlement au niveau monétaire, au niveau du statut des joueurs, on peut pas penser à ni une fusion, ni une grande finale du baseball indépendant impliquant la Ligue Atlantique s'il n'y a pas des règlements plus établis. Une grande finale avec l'Association américaine, ça aurait été possible à l'époque de la CANAM, mais je pense que la Ligue Frontier va être une petite coche en dessous de l'Association américaine, pas par beaucoup, mais par le fait que tu vas avoir un petit peu moins de vétérans et plus de recrues, ça paraît quand même en bout de ligne. Mais je pense que ce qu'on a présentement, c'est probablement le plus beau portrait, c'est-à-dire de 3 très bonnes ligues, bien installées, quand même bien solides financièrement. C'est sûr que des petites ligues indépendantes, là, il y en a une tonne aux États-Unis. Mais les 3 grandes ensemble, là, je pense qu'elles sont très heureuses. C'est une douzaine d'équipes dans l'Association américaine, une dizaine dans la Ligue Atlantique, 14 dans la Ligue Frontier, qui sont situées quand même un petit peu partout aux États-Unis. Donc, il y a toujours une question de budget. Là. Tu peux pas voyager en avion pendant toute une saison. C'est impossible. Donc, c'est une question de logistique. Alors, je pense que présentement, là, les Capitales sont exactement où ils voudraient, c'est-à-dire dans une ligue plus stable, plus solide. Reste à savoir maintenant quels seront les résultats sur le terrain pour les Capitales dans leur nouvelle. François, dernière question. Ben, je te vois, moi, je l'ai dit dans le play-by-play. Les gens disent, on s'est déjà mis à rêver qui pourrait être le play-by-play du retour des Expos. Il y avait Jacques, il y avait Roger, il y avait Denis Cazavant, il y avait Mark Griffin, il y a eu Michel Villeneuve, il y en a eu plein. Là. Moi, je vois François Paquette à la radio. Dans les Expos 2.0 ou les Rays, tout dépendant. Est-ce que c'est un défi qui t'intéresserait? Bien, premièrement, merci pour le compliment, c'est très gentil. Quand j'étais jeune, début vingtaine, je suis début quarantaine, je ne suis pas proche de ma retraite, mais quand j'ai début vingtaine, c'était vraiment mon rêve. Puis même que je te dirais que je me rappelle, il y a au début des années 2000, quand Mark Griffin a eu son premier enfant, j'avais même communiqué avec les Expos pour savoir est-ce que vous avez besoin d'aide. Puis finalement, Jacques avait fait quelques matchs seul sur la route, ça s'était bien passé. Puis là, plus les années ont passé, disons que sans dire que mon opinion a changé, c'est que je me suis déjà confirmé à moi-même, à ma conjointe, puis à mes amis, puis à ma famille que j'appliquerai pas pour le poste. Peu importe si c'est l'année prochaine ou dans 5 ou 6 ans. Puis je vais te donner les 2 ou 3 grandes raisons, puis je pense que ça s'explique assez facilement. Premièrement, c'est qu'avec les Capitales, j'ai passé 15 ans sur la route. Disons qu'entre 22 puis 37 ans, j'ai jamais eu d'été, j'ai jamais eu jamais été à un mariage, à un party de famille ou à un show de musique. Je suis un grand amateur de musique. Puis tu sais, tout ça, tu manques tout, là, parce qu'il faut que tu sois concentré sur ton travail, puis c'est bien correct. Et je suis au club des Comètes de Chicoutimi. Il cherchait un poste d'entraîneur justement à temps plein. Fait que lui, il va remplir ce rôle-là. Puis moi, il m'assiste automatiquement. C'est mon principal bras droit. En fait, on est quasiment... Moi, je me considère au même niveau. Il aime pas ça dire ça, mais moi, j'aime mieux ça dire ça. J'aime ça travailler en équipe. Fait que lui, ça, bon, c'est mon bras droit présentement. Puis il va amener beaucoup pour la région dans les prochaines années. Y a-t-il des impacts? Il peut y avoir des impacts qu'on pourrait jauger sur la glace pour des Carina Momigny, des autres? À long terme... Effectivement, à long terme, c'est un de nos objectifs. On a encore perdu, on a pas perdu. Il y en a encore qui sont expatriés l'année prochaine. Nous autres, notre but, c'est de les garder encore plus longtemps. On veut essayer d'aller monter ça vers le cégep un peu, puis avoir aussi un recrutement extérieur dans les prochaines années. Fait qu'en stabilisant avec Rémi, ça va nous permettre cet élément-là. Parce que moi, j'avais un métier à tremplin aussi. Donc, je peux pas être là tout le temps. Fait que Rémi, lui, ça lui permet d'avoir une stabilité pour aussi faire le lien avec certaines choses. Puis il apprend beaucoup le système présentement. Puis qui sait dans les années futures, qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'on a des beaux projets. OK. Donc, c'était la première compétition. À quoi ça sert la première compétition? C'est-tu comme une compétition hors concours qu'on pourrait dire? Là? Non, nous autres, c'est notre circuit québécois en partant. Ouais. Le circuit québécois, c'est un circuit super important. Exemple, en fin de semaine à Laval. C'est un circuit d'entraînement beaucoup plus pour l'équipe nationale que les autres. Les autres, un peu, on veut voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment qu'on est rendu. La première compétition, c'est beaucoup cet élément-là. Il y a des temps qui sont importants pour certains patineurs pour se classer pour les sélections nationales, tout ça. Fait qu'on avait jusqu'au 25 septembre présentement pour établir des temps. Il y a deux compétitions présentement qui se passent juste avant ce 30 septembre-là, dans deux circuits différents. Fait que pour le circuit, c'est en fin de semaine. Super important. Puis c'est aussi voir est-ce que notre entraînement estival a été bon. On a quand même une saison qui commence très tôt à comparer à d'autres années. Depuis 2, 3, 4 ans, on essaie de se tensionner, de ramener ça une semaine à chaque année. On est au début octobre, dans les années passées, on est rendu deuxième semaine de septembre. Okay. Donc, c'est quand même assez rapide. La semaine prochaine, déjà, il y a la sélection nationale, le senior, là, à Laval. Donc, c'est important pour nous autres de bien performer et de savoir où est-ce qu'on est rendu. C'est quoi finalement qu'on parle du côté des... De quoi qu'on parle du côté de la compétition en fin de semaine? Donc, les Carina Montminy, les Flavie Larocheroy étaient là, étaient tout en action. C'est ça. On avait beaucoup de patineurs du Saguenay, du Lac aussi. Ouais. On avait même un arbitre officiel qui était de la native de la région aussi. Fait qu'on était bien établi. On a environ une dizaine de patineurs là, qui étaient présents sur la glace. On a quand même eu des bons résultats. C'est sûr que ça paraît pas parce que les patineurs sont mis dans un groupe complet, mais ils comptent aussi avec l'équipe nationale. Fait que, mais sinon, tu sais, il y a des médailles dans les deuxièmes groupes, mais au total, le classement final, il parle tout le monde ensemble. Okay. Donc, on était au niveau masculin, le meilleur résultat était un Justin Bergeron d'Alma, un petit gars d'Alma de cette région-là qui est très bien performé. Patine à Montréal, présentement avec la Centre nationale. On a trois autres patineurs de Chicoutimi par la suite, Charles Fortin, Emilien Blackburn, puis Zach Dumont. On n'a pas de patineur du haut du lac, en fait, dans notre côté masculin présentement. Je te dirais que je vais toucher du bois, mais on a un présentement qui s'en vient là, à Saint-Félicien, là, qui va être capable de concurrencer avec eux autres. Fait que j'ai hâte de voir dans les prochaines années Alexandre Simard là, de Saint-Félicien, qui s'en vient très bien. Là. Donc, du côté féminin, là, on avait des patineuses, comme tu parlais, de Mina Tremblay, donc de Saint-Félicien, qui est arrivée une 30e position pour elle, c'est bien. Elle, c'était, dans le fond, les dernières du groupe 1, là, du groupe national, un peu. C'est quand même plutôt des grosses filles d'équipe nationale. On avait Claudia Gagnon, qui est arrivée 4e au cycle des médailles, que ça représente bien. Par la suite, on a eu Carina Momini. Carina, elle, retour à la compétition, elle a été écartée du groupe select un peu l'année passée pour une question X de positionnement, puis de son âge. Elle a été prise en charge par Montréal, elle était un petit peu déçue, mais je crois que c'était un bon move. Elle est rendue dans un autre coin de Montréal, elle termine son cégep aussi. Donc, Montréal, on sait qu'on appelle comme club, très bien performant en fin de semaine, elle a patiné avec nous beaucoup cet été. Puis, très, très bien performé. Là, c'est une de ses meilleures performances personnellement, puis je trouve qu'elle est revenue en course. On a aussi une Flavie Larocheroy qui était supposée arrêter de patiner, mais comme elle allait à Sherbrooke, elle continue de patiner quand même tout l'été. Elle était en décision. Puis j'ai un beau club à Sherbrooke que je connais. Je suis très en lien avec elle. Elle allait en droit. Elle continue à patiner quand même. Puis ça a très bien patiné malgré son peu d'attente d'entraînement. Là, donc, 30e position. Puis par la suite, on a des patineuses d'Alma, Léa Tremblay. Puis Mary Jane, qui sont des nouvelles dans le circuit. Fait que c'est 47, 48e sur 60. Qui est quand même bien là, présentement, voir où ils sont rendus. Ils sont à leur niveau. OK, OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, ça fait quand même le tour. Comme nous, on entend aussi notre aréna dans les prochaines semaines. Fait qu'au début octobre, on va revenir au Centre Georges Vézina. OK, ouais. Avec tous les événements. Donc, fin des rénovations. Après ça, on a des beaux projets qui s'en viennent au Saguenay. Là, je pense qu'il va aider beaucoup pour le patinage de vitesse. On a une belle année en cours. Bon, on s'en reparle la semaine prochaine, je pense. Regardez, je vais suivre la compétition en fin de semaine senior. Puis je vais te tenir au courant. On va avoir... justement, Justin Bergeron, tu sais, d'Alma, qui va être présent à cette compétition-là. Victoria Garraud, qui va être présent. Non, pas Victoria, Claudia Gagnon, donc une fille de l'Abbé, qui est présentement. Lieu du 28 au 30 août.